Et nous accueillons aujourd'hui Aurora Murillo de Urte et qui a monté il y a 2 ans un espace sympathique autour du thé et de la création qui s'appelle Thé Créatif, mais elle va vous en parler bien mieux que moi. Et bonjour, en effet, enchantée, merci de m'accueillir chez vous. Et à Urte, si vous passez à Urte, au centre de la place, vous avez un petit salon de thé qui n'est pas que un salon de thé, c'est un petit lieu de vie où on a envie de partager, s'arrêter, venir dessiner, venir crocheter, tricoter, prendre un bon thé. C'est un espace un peu de partage et je voulais créer un petit lieu de vie. Et le pari était de ne pas aller dans une grande ville, parce que ça aurait été aussi bien. Ouais. Mais il faut faire vivre le petit village. Et moi qui habite à Urquit, je me suis dit, Urte, c'est un bon compromis. Et je me suis installée là où il y avait anciennement le boucher. Donc aujourd'hui, c'est devenu un petit lieu cosy, convivial, où on a envie de rester, de se poser, écouter la bonne musique. On fait pas mal d'ateliers, ateliers couture, ateliers de dessin, peinture, tricot, tout ce que je vous ai dit avant. Oui. Et j'ai un large choix de thé qui change de temps en temps, mais vous pouvez venir boire ou acheter du thé sur place. D'accord. Et l'idée t'est venue comment ? Ça a germé avant, je pense, de passer à la phase de réalisation. Ça a germé un peu. Moi je viens d'une école d'art, en fait. J'ai fait les Beaux-Arts à Cuba. D'accord. Vous avez entendu mon petit accent qui chantonne. C'est bien. En plus, avec ce temps, c'est nickel. On a besoin du soleil. Donc, j'ai toujours gardé mes cours de dessin. J'en ai fait pas mal de choses à côté. Mais je suis aussi une passionnée du thé. À Cuba, c'est plutôt le café, on est d'accord. On est d'accord. Moi, je peins avec le café, je dessine avec le café, mais j'ai toujours été attirée par le thé. J'ai travaillé avec beaucoup de japonaises pendant un moment. Ouais. Et à un moment de la vie, en fait, elle vous amène à un chemin où on se dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et évidemment, je voulais créer mes ateliers, garder mon côté atelier, faire partager avec les gens le savoir-faire des mains. Mm-hmm. Mais pas que. J'avais aussi envie d'avoir un petit lieu où on vient se poser, papoter. Ouais. Et avec l'histoire de papoter, tricoter, je me suis dit, mais le thé, évidemment, est aussi dedans, dans ma vie. Donc pourquoi pas faire les deux. Et c'est venu comme ça, le thé créatif, qui est un petit jeu de mots. Oui. Est-ce que toi, t'es créatif ou le thé, d'une manière créative. Et ça s'écrit la lettre T, créatif, associé. On ne parle pas du THE, comme ça laisse libre cours à l'imagination de toutes les déclinaisons que tu viens d'évoquer. Tout à fait. Et donc tu m'as dit, ça fait 2 ans que tu l'as... Voilà, on va fêter les 2 ans au mois d'avril. Oui, effectivement. Donc on s'approche de la date anniversaire. C'est ça. Et donc, puisque tu es passionné du thé, il y a quelle gamme de thé ? Dis-nous. Alors, on va retrouver... Moi, je suis assez axée sur le bien-être. D'ailleurs, j'ai un petit espace où j'ai une naturopathe qui fait des soins chez moi. Ouais. Donc, je vais avoir des thés pour se faire du bien. Donc, par exemple, il y a un thé sans théine où on va retrouver un peu le détox. On va avoir, comme celui que j'ai apporté aujourd'hui, un yogi épicé qui va plutôt booster l'énergie et remplacer un café. On va avoir plutôt des thés antioxydants, une petite gamme de rooibos, des thés verts, et je change souvent. Je propose aux gens de déguster des choses différentes. Tu fais découvrir les différentes variétés de thé. C'est ça, et assez parfumé, parce que souvent, quand les gens ne connaissent pas, on dit « Ah bah, je prends un Earl Grey », et c'est un peu, on s'arrête là. Alors qu'il y a énormément de choix et énormément de savours dans le thé, et c'est assez passionnant. D'accord. Et côté créatif ? Côté créatif, on a des ateliers toutes les semaines, des ateliers hebdomadaires comme le dessin, la couture, le macramé, le crochet. Et après, il y a des thématiques. Si c'est Pâques, il y aura des ateliers pour Pâques. Oui. D'ailleurs, on a une semaine de stage pour les enfants. D'accord, c'est ça, ils viennent tous les matins pendant 2 heures et on fait une création, soit avec moi, soit avec la couturière. Oui. Et les parents nous le déposent, ils restent avec nous et ils partent tous les jours avec une création différente. Ah oui. Voilà, c'est pas mal. Et sinon, à l'année, le dessin, la couture, le crochet, le macramé. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur ton espace si convivial ? Qu'est-ce qu'on fait aussi ? On fait des soirées à thème. Donc souvent les vendredis soirs, on fait des soirées à thème. Et depuis 2 ans, on a testé plein de choses. Donc c'est assez ouvert. Alors vas-y, dis-nous tout. Tu as testé quoi ? Je me ferme pas. On a fait des soirées harpe. Il y a une harpiste de Bayonne qui a déjà joué 4 fois chez nous. C'est petit, mais je repousse les murs. À chaque fois, on a l'impression que l'espace est énorme. Donc, on peut accueillir jusqu'à 20 personnes comme ça, dans un lieu convivial, un moment convivial. Mmh. On a fait des soirées guitare, on a fait des expos, on a fait des soirées méditation, on a fait des soirées littérature. C'est vraiment très varié et à chaque fois ça change. Et en étant cubaine, j'ai fait des soirées latina évidemment. Ah oui. Surtout l'été. Je me doute bien. Avec des mojitos sans alcool, mais des très La fête bons est plus folle. La fête est plus folle. Bon, mais c'est bien, c'est bien. C'est vraiment un espace de vie très, très varié. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un que je connais, je t'en parlerai tout à l'heure, qui est allé là-bas pour des poèmes. Super. Ouais, parce qu'il m'avait dit qu'il allait à Urte dans un petit espace cosy, donc ça pourrait correspondre. Génial. Ouais. Bon, bah écoute, ça fait plein de choses, tout ça. Donc, ça se trouve à Urte. À quel endroit exactement? Tu m'as Quand dit que c'est en plein centre. Quand on rentre dans Urte, en fait, on a la place. Et je suis le premier magasin de la place. Donc, facile pour se garer. Ouais. Pratique, une petite terrasse où on peut se poser dehors aussi, boire un thé froid. Voilà. Bon, bah écoute, c'est une excellente adresse à retenir. Tu voulais rajouter quelque chose? Dis-nous tout. Non, moi j'ai un petit slogan qui dit « La créativité est contagieuse, faites-la passer ». Bah, écoute, c'est une excellente conclusion. Aurora, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Au plaisir.